4. Identifier des situations. Exercice 10. 1. Dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école. J'ai bientôt fini mon petit déjeuner. 2. Excusez-moi, vous connaissez la date de la réunion avec les professeurs ? Oui, c'est jeudi. Merci. Et c'est dans quelle salle ? C'est dans la bibliothèque de l'école. 3. C'est à quelle heure le cours de mathématiques ? À 10 heures. Ah, ça va, encore 15 minutes. 4. Bonjour, ici c'est la bibliothèque. Vous pouvez prendre des livres. Super, et des films aussi ? Oui, tu peux prendre des films aussi. 5. C'est l'heure du dîner. Tu as fini tes devoirs ? Non, j'ai encore les devoirs de mathématiques.